devant dans la bagarre, les autres c'est des bâtards. J'peux compter sur personne, j'kiffe que sur mon gun. Et j'peux pas l'entretenir, je sais que c'est une putain. En plus c'est une gratteuse, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est tout pour la mama. Tu crois qu'on ment quand j'te dis qu'on a ramé? On est plus des gamins, après les pires c'est les truffes qu'on va damer. Et les autres c'est des porcs, ils m'ont lancé des sorts. Ils m'ont souhaité la mort, mais ça va aller. Si ça doit s'allumer, bah ça va s'allumer. Et j'trouve un alibi, puis je me taille. Du lundi au lundi, Belek y'a les 22. Mes potos sont cramés, j'réponds plus au fun. Du Gucci ou Fendi, rien que j'enchaîne les devis. Elle kiffe sur le bandit, elle veut me faire un môme. Toujours un plan si jamais, comme Sangoku j'ai le Jankidama. Il me faut un yacht à la fin du jeu. Charognard ça c'est mon tempérament. Et tu sais qu'on sait jamais. Depuis le Banks on est parti de rien. Regarde les autres c'est des fatigués. Tu sais très bien qu'on a 10 ans d'avance. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Pour le faire il faut le flair. Y'a le Broly qu'attention on peut tâcher. Tu crois qu'on joue parce qu'on a Versace. Cette pétasse connaît pas ma vida. Y'a combien de comptes qu'on a vidé? Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Pour le faire il faut le flair. Y'a le Broly qu'attention on peut tâcher. Tu crois qu'on joue parce qu'on a Versace. Cette pétasse connaît pas ma vida. Y'a combien de comptes qu'on a vidé? J'suis dans le haut débit, pas dans les Hanani. Disque de platinium, j'leur mets des KO. Fuck leur économie, qui m'aime me follow me. Besoin de liberté comme Abekao. J'ai mis ma famille avant, mes amis après. Les fameux c'est pour la fame. J'suis dans un bolide allemand, dans la boîte à gants. Faut toujours un 3-5-7. Et j'suis dans la zone bébé. Ils font les fous, faut que j'leur rentre dedans. Ça joue les durs, c'est n'importe quoi. Devant la juge, ils vont porter plainte. Que des mises à la menthe, ne me serre pas la main. Tu vois les faux amis quand t'es face à la mort. Y'a trop de halamis, la bine fait pas le moine. Non, ne me jugez pas si je vais chez Balmain. Le monde n'est pas si mauvais. Dans tous les cas, c'est l'effort qui domine. J'allume une taf sur ma sativa. Ça pue le crime dans le bâtiment. On remet pas à demain. Dans tous les cas, c'est la dalle qui donne l'heure. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donne-moi le bif, je vais compter d'abord. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Pour le faire il faut le flair. Y'a le Broly qu'attention on peut tâcher. Tu crois qu'on joue parce qu'on a Versace. Cette pétasse connaît pas ma vida. Y'a combien de comptes qu'on a vidé? Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Ces bâtards ils veulent me faire. Pour le faire il faut le flair. Y'a le Broly qu'attention on peut tâcher. Tu crois qu'on joue parce qu'on a Versace. Cette pétasse connaît pas ma vida. Y'a combien de comptes qu'on a vidé?